denkt ja nur an dich und du solltest zu ihr gehen. Oh ja, sie liebt dich, schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich und da solltest du dich freuen. Du hast ihr weh getan, sie wusste nicht warum. Du warst nicht schuld daran und drehtest dich nicht um. Oh ja, sie liebt dich, schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich und da solltest du dich freuen. Oh. Jetzt zu ihr gehen, entschuldig dich bei ihr. Ja, das wird sie verstehen und dann verzeiht sie dir. Oh ja, sie liebt dich, schöner kann es gar nicht sein. Ja, sie liebt dich und da solltest du dich freuen. Chili Beach, une des rares chansons allemandes chantées en allemand par les Beatles au début des années 60. She Loves You, vous avez reconnu She Loves You, c'est Michel Monette au micro. Je suis avec vous pour les deux prochaines heures. Les heures ailleurs, c'est de la musique alternative d'ailleurs dans le monde. Et là, pour la première de ces deux heures, j'ai choisi... Bon, c'est l'été, c'est le début de l'été, hein. On va se faire plaisir. J'ai choisi de vous présenter des chansons qui ont été des succès autrefois et qui ont été reprises soit récemment ou soit il y a un petit peu plus quelques années, dont celle-ci qui a été reprise en 2009 sur un album de 8-Bit Operators. C'est en fait un album qui présentait les artistes 8-Bit. 8-Bits d'Europe, des États-Unis, d'Amérique du Sud, de l'Asie. Des artistes, donc, qui présentaient de la musique en utilisant des Game Boys, des Atari, Nintendo, etc. Tous ces systèmes donc, qui permettaient de produire les sons que vous avez reconnus. Et les Commodore 64 aussi. Je me rappelle les Commodore 64, Game Boy et compagnie. Certains d'entre vous s'en souviendront. Dont cette chanson de Herbert Wechselbaum qui a d'abord été un guitariste de musique classique. En fait, c'est ce qu'il a appris, mais rapidement, il a décidé d'aller plutôt vers autre chose. Rapidement, c'est-à-dire à l'adolescence, il a décidé d'aller vers autre chose. Il est allé d'abord vers le rock, puis finalement, il a découvert des vieux synthétiseurs et même, il a utilisé des Game Boy. En fait, pour faire de la musique, et il en a développé une passion, et c'est ce qui explique sa présence sur cet album. Et ça fait plaisir de réentendre, mais interpréter différemment cette chanson célèbre des Beatles. Ils en ont fait deux, en fait, en allemand, She Loves You et I Won't Hold Your Hand. Prochain artiste, c'est Kenzo Seki. Kenzo Seki, c'est un musicien, compositeur, parolier, mais aussi producteur japonais. Et en 2008, il a sorti un album qui reprenait les chansons de Gainsbourg. Il s'est beaucoup spécialisé dans la reprise de chanteurs français, Gainsbourg, aussi Nino Ferrer et d'autres. Et là, il a fait Le Poissonneur des Lilas en 2008, où il a repris donc des chansons de Serge Gainsbourg. En fait, c'est quelqu'un de très prolifique, Kenzo Seki. Il a composé quelques centaines de chansons pour les plus grands artistes du Japon. Il a produit de nombreux festivals aussi. Et Surtout, il est, disons, le principal organisateur d'événements autour d'artistes français. D'ailleurs, tantôt, on va écouter autre chose dont il a été le producteur, un hommage à Claude François. Mais d'abord, on va écouter deux pièces du Poinçonneur des Lilas, Le Poinçonneur des Lilas par Kenzo Saki et Harley Davidson. On écoute ces deux pièces. Et par la suite, on va aller du côté de Claude François, mais je vais vous en parler un peu avant qu'on y aille. Donc, allons-y avec Le Poinçonneur des Lilas. Oh, my God. Harley Davidson, Kenzo Seki, une chanson tirée de l'album Le Poissonneur des Lilas, un hommage à Serge Gainsbourg. Le 11 mars 1978, une nouvelle bouleverse la France. Claude François, Clo-Clo, pour les intimes, pour les fans, meurt électrocuté à son domicile parisien. Le chanteur disparaît, mais c'est là que commence sa légende. Toujours en 2008, 30 ans après sa mort, à quelques milliers de kilomètres du domicile de Claude François, au pays du soleil levant, 12 artistes venus de Tokyo, d'Osaka, issus de la nouvelle scène nippone, ont voulu lui rendre hommage. Et c'est Kenzo Seki qui est le producteur de cet album, Clo-Clo Made in Japan. On va écouter deux pièces tirées de l'album. On va écouter d'abord Chanson populaire par les Toast Girls. C'est complètement sauté, les Toast Girls. C'est une. Derrière ce titre un peu énigmatique, là, des Toast Girls, se cache une artiste un peu particulière qui s'est appelée aussi Baguette Bardot. Si vous fouillez un peu, vous cherchez Baguette Bardot, vous allez voir, elle est vraiment assez complètement. Enfin. Complètement sauté, tiens, disons-le. Et donc, on va écouter une pièce donc du long jeu de l'album Clo-Clo Made in Japan, chanson populaire pour les Toast Girls. Puis on va écouter aussi une autre pièce, Je vais à Rio, Final Mix, par un duo qui s'appelait Cheluzzi. C'est un groupe qui a été formé en 1998, qui n'existe plus maintenant. Il y avait Matsuyu, qui était pas mal la leader de ce duo. Elle était assez populaire dans la blogosphère japonaise à l'époque. Et il y avait aussi Yoshika. Donc, on écoute Chanson populaire et Je vais à Rio, un hommage à Claude François, Made in Japan. 「私腕を絡めてみたくなる」 J'avais à Rio Final Mix d'un duo japonais qui s'appelait Shelochi. C'est tiré de l'album Clo-Clo Made in Japan, The Japanese Tribute to Claude François. Qui ne se souvient pas de la chanson Poupée de cire, poupée de son, popularisée par France Gall? Elle a été reprise, cette chanson avait été composée par Serge Gainsbourg en 1965. Elle a été réinterprétée à de nombreuses reprises. D'ailleurs, Arcade Fire en a fait une reprise en 2007. On a ça sur YouTube. Si vous cherchez, vous allez voir Arcade Fire qui reprend Poupée de cire, poupée de son de Serge Gainsbourg. Mais là, l'interprétation que je vais vous présenter, c'est celle de Spin Vice. Spin Vice, c'est un chanteur hollandais du nom de Eric de Jong. Assez incroyable son histoire. Il avait 40 ans quand il a fait parvenir 3 démos à la maison de disques hollandaise Excelsior. Et assez rapidement, ces démos sont devenus un album qui est assez rapidement devenu un succès aux Pays-Bas. En 2007, il a sorti un autre album qui s'appelle Gouchenaar et Gesten, qui était une collection de ce qu'on appelle les B-sides, les faces B des 45 tours, mais aussi de pistes qu'il avait un peu mis de côté. Il a tout ramassé ça et il a fait cet album. Et sur cet album et l'interprétation qu'il a fait de la chanson de Gainsbourg, Poupée de cire, poupée de son, ça s'appelle Wax. On écoute poupée de cire, poupée de son à la façon hollandaise de Spin Vice. Thank you. CKRL 89.1. Cultive tes goûts. Vous faites des rénovations ou vous déménagez? Pensez à Gestigroup, un service de nettoyage résidentiel et commercial. Gestigroup vous offre des services d'entretien réguliers et de nettoyage spécialisés. Pour le nettoyage des fenêtres, les conduits de ventilation, le nettoyage après construction, le décapage et cirage de vos planchers ou l'entretien ménager régulier, Gestigroup vous assure un travail de qualité optimale avec une assurance qualité garantie 100%. Évaluation gratuite. Visa et Mastercard sont acceptés. 418-255-0256. Consultez le site web pour les promotions en cours. www.gestigroup.com. Cet été, au Musée de la Civilisation, découvrez l'exposition Image par Image. Plongez dans les univers de création captivants, déjantés et innovateurs des cinéastes d'animation de l'ONF qui ont repoussé les limites de leur art. Aussi, prenez part à la célébration et stimulez votre créativité dans le laboratoire d'animation. L'exposition Image par Image sur le cinéma d'animation de l'ONF au Musée de la Civilisation. Info au mcq.org. Toutes les couleurs du monde sont à Mondo Carnaval Culture en Fête à Québec. Les 27, 28 et 29 juin au lieu historique national Quartier-Brébeuf, venez vivre 3 jours d'activités intenses avec au programme défilé carnavalesque haute en couleurs, musique, danse, marché du monde, concerts en plein air et en salle avec la participation exceptionnelle de Québécois de différentes communautés venant des Premières Nations, d'Afrique, des Antilles, d'Asie, d'Amérique latine et d'Europe. Pour plus d'informations, allez au mondocarnaval.com. Du 19 au 23 juin, c'est les journées portes ouvertes chez Leisure Days, centre du VR Lévis. Tous nos véhicules sont disponibles pour une visite libre. Un rabais d'inventaire pouvant aller jusqu'à 10 000 $. Véhicules récréatifs à partir de 17 $ par semaine. Leisure Days, centre du VR Lévis, c'est des roulottes, tentes roulottes, caravanes à ailettes, roulottes de parc. Les 21 et 22 juin, sur l'heure du dîner, nous offrons hot dogs et rafraîchissements pour tous les visiteurs. C'est le temps de passer à l'action et vous assurer de belles vacances estivales chez Leisure Days, centre du VR Lévis. 5250 boulevard de la Rive-Sud, Lévis, 418-476-6060, leisuredays.ca/fr. On vous attend. Le Festival en chanson vous invite à prendre la route jusqu'à Petite-Vallée pour sa 32e édition du 27 juin au 5 juillet. Le Festival en chanson, c'est 25 spectacles, une centaine d'artistes et une ambiance unique. Voyez Robert Charlebois, Valérie Carpentier, Marie-Jo Thériault, Marco Cagliari, les Hey Babies, Patrice Michaud, les chansonneurs de la sélection officielle et plusieurs autres. Pour info, 393-2222 ou le festivalenchanson.com. Le Festival en chanson de Petite-Vallée, une présentation d'Hydro-Québec en collaboration avec Desjardins. L'émission Les oreilles ailleurs vous est présentée par le Café Babylone. Lieu de rencontre et de dépaysement, le Café Babylone est une invitation permanente à la découverte culinaire. Laissez voyager vos sens. Au 181 Saint-Vallier-Est, cafébabylone.com. On poursuit dans cette deuxième demi-heure avec des succès d'autrefois, des chansons d'autrefois réinterprétées. Celui qu'on va entendre, c'est ce Jorge. Il n'a pas eu facile, cet interprète. Petit clin d'œil au Brésil en passant, ce chanteur brésilien. Il a grandi dans une favela de la ville de Bedford Roxo. Ça, c'est dans l'état de Rio de Janeiro. Il a connu une enfance difficile. Il a fait de multiples boulots d'appoint, hein, 36 misères, parce qu'il voulait apporter sa contribution à sa famille. Ça fonctionne comme ça encore dans beaucoup d'endroits au Brésil. Il y a la Coupe du Monde actuellement, mais il y a aussi, malheureusement, des centaines de milliers, des millions de Brésiliens qui, disons-le, sont carrément très pauvres. En 2002, Jorge a explosé sur tous les écrans du monde dans le film. Certains vont se souvenir de ce film, La Cité de Dieu. Il jouait le rôle de Manny Galinha, ce chauffeur d'autobus qui plaisait aux filles. Il a accumulé des pièces de théâtre, des concerts, des films, dont, comme celui de Wes Anderson en 2004, The Life Aquatic with Steve Zissou, dans lequel il jouait Pelé dos Santos. Il a réalisé pour l'occasion 14 adaptations en portugais des titres de David Bowie, même si, dit-on, ce dernier ne voulait pas donner le droit d'utiliser ses chansons. On va écouter une chanson de David Bowie par Eus Sergei, Life on Mars. Ensuite, on va écouter The Ukrainians. C'est un groupe qui vient de l'Ukraine, comme son nom l'indique, bord de la mer Noire. Mais ils ont dû s'exiler, ils se sont installés à Londres. Ils ont commencé à chanter là-bas et on dit d'eux qu'ils sont serviteurs d'une pop teintée d'influence balkanique. Ils se sont beaucoup fait remarquer en 1993 en reprenant à la russe 4 titres des mythiques Smites, le groupe britannique de rock alternatif fondé en 1982 à Manchester, qui s'est terminé assez abruptement, merci, dont la chanson qu'on va entendre, Big Mouth Strikes Again. Mais d'abord, écoutons Life on Mars, interprété par Sergei. Quando as coisas do coração não conseguem compreender e a mente não faz questão e nem tem forças pra obedecer, quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul pode ter vida em Marte. Então vem cá, me dá sua língua. Então vem, quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida. Então vem, vamos viver a vida. Então vem, senão não vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. Consegue compreender, porque a mente não faz questão, nem tem forças pra obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós. No infinito do céu azul pode ter vida em Marte. Então vem cá, me dá sua língua. Então vem, senão vou querer quem sou. Meu poder vem do sol, minha medida. Então vem, vamos viver a vida. Meu bem, senão eu vou perder quem sou. Oh, oh, oh. Vou querer me mudar para uma life on especially for all you people out there that come from Manchester. It's by Stephen Morrissey and Johnny Marr. It's called Batyard. All of it. Oh, oh, oh, oh, Miller, Miller, yeah. miasteczko małe i bezbarwne. Sąsiedzi chłodnym darzą się szacunkiem, lecz są tu dni niepokojące, gdy przedwieczorne złote słońce rozwala serca czułym pocałunkiem. Ostrzegam przed niebezpieczeństwem, cytując Biblię z nabożeństwem. Ochrzczono mnie Loretta, ale wolę imię Lotti. Mam lat 15, choć mi więcej dają. Niebrzydkie oczy, mam zielone, jasne włosy rozpuszczone. Chłopaki już się za mną oglądają. Lecz skromna jestem i nieśmiała, poważnie mama mnie chowała. Ta la la la, ta la la la. Nie znam dnia ani godziny, tylko Bóg je zna. Musiałeś słyszeć, że zawisła nad Milhejmem kąta. Tu w okolicy wiedzą o niej wszyscy. Syn Blake'a, Filip gdzieś zaginął, nim go znaleźli, tydzień minął. Utonął w rozpacz, wpadli jego bliscy. Był płacz i skargi do Marii, bo chłopak kamień miał u drzwi. Ta la la la, la la la. Nie znasz dnia, ani godziny, tylko Bóg je zna. Ksiądz O'Reilly, gdy swego psa zobaczył przygwożdżonego do drzwi audytorium. Znów mieście wrzało od sensacji, bo stary lekarz złok kremacji dokonać w szkolnym chciał. La bo ratorium. Gdy wytosili kofta, na nie wygłaszał lejąc przykazanie. Tra la la la, aua, tra la la la. Nie znasz dnia ani godziny, tylko Bóg je zna. Milhejmem był w szoku, ludzie z domu wyjść się bali. Wciąż wymyślano hipotezy nowe. Ucichło wszystko, dobry Boże, ucichło, jakby uciął nożem, gdy znalazł ktoś rytmę na ściętą głowę. Fontannie miejskiej się pluskała, lecz nigdy nie odkryto ciała. Tylko Bóg je zna. Następnie stara panna Colgate ducha wyzionęła. Winiarze przyjechali jednak prędko i nim się z Bogiem połączyła, z ostatnim tchnieniem wyrzęziła. Zabiła mnie Loretta własną ręką. Gdyby właśnie sprzesywałam z obozu, gdy wpadła grupa komandosów. Nazwano mnie pomiotem diabła i przekleństwem miasta, a to Milhejmem nie przyniosło pecha. Niebrzydkie oczy mam zielone, jasne włosy rozpuszczone, ładne usta, kiedy się uśmiecham. Padnijcie wszyscy na kolana, najprostszą drogę znam do Pana. Tra la la la, hej, tra la la la. Nie znasz dnia ani godziny, tylko Bóg cię zna. To śledztwo jest przygnębiające i niesprawiedliwe. Jak śmiecie karać mnie w imieniu prawa? Nie dla mnie ziemskie przyjemności. Ja przekroczyłam próg wieczności. Najlepiej wiem, że śmierć to nie zabawa. Nad światem dzwon żałobny dzwoni, więc niech was ręka boska broni. La la la, hej, la la la. Nie znam dnia ani godziny, tylko Bóg cię zna. Colgate, niestety zawahałam się przez chwilę. Lecz gdy Henryka oprawiałam, szczęśliwa byłam, powiedziałam słoneczny poklask na tarczowej pile. Przejedź, jak ją krzyżowałam, z religii zawsze szóstkę miałam. Gdy się przyznałam do wszystkiego, przed przysięgły pławą i prasa okrzyknęła mnie wampirem. Palcami włosy rozczesałam, sędziemu w oczy spoglądała mnie. Jestem przecież pierwszym lepszym świrem. Psychiatra mieści się w klasztorze na twoją chwałę, wielki błąd. to wstrząsy lub hipnoza i złoty lek na wszystko proza i znów czuć mogę euforyczne plany o wyzdrowieniu szybkim marzę jak wyjdę jeszcze wam pokażę Znam je tylko ja! Vous aurez sans doute reconnu The Curse of Millevin, Przelensko Millevin de cette chanson. C'est l'actrice polonaise Ginga Price qui interprétait cette chanson de Nick Cave and the Bad Seeds. C'est assez particulier. Cette chanson parle d'une jeune fille déséquilibrée du nom de Loretta. Qui décrit la mort de divers habitants de la ville de Millevin, insistant sur le fait que toutes les créatures de Dieu doivent mourir. On est bien d'accord avec elle. Kinga Price, c'est une actrice très, très populaire dans son pays, la Pologne. J'avais fait jouer en fait cette chanson, mais j'ai eu le goût de la reprendre parce qu'on est dans les reprises de chansons. Réinterprétation même de chansons rendues populaires en français ou en anglais. Et on poursuit d'ailleurs dans cette veine avec la Suédoise Ebba Forsberg. Elle est à la fois chanteuse et actrice, Ebba Forsberg. Elle a participé à plusieurs groupes suédois, notamment les Trastelindens Gvitet. Non seulement elle a fait sa propre musique, ses propres chansons, mais elle a aussi lancé deux albums dédiés à des artistes internationaux. Un dédié à Bob Dylan en 2007 et l'autre à Leonard Cohen en 2009. Et ce sont deux chansons de cet album dédié à Leonard Cohen qu'on va entendre. D'abord, Here It Is, Hardet. Et ensuite, Hey, that's no way to say goodbye, det har inget stat at sag adjo. On écoute ces deux chansons de Ebba Forsberg pour la fin de cette deuxième demi-heure de l'émission Les Oreilles sur les ondes de CKRL 89.1 à Québec. Thank you. fredlösa fall. Här är din kärlek, din kärlek till allt. Här är din ångest, din brits och din skål. Här är din kärlek till män och till kvinnor lika så. Och må alla få liv, må alla dö. Välkommen min älskade, min älskade adjö. Här är din gryning, det finns ingen tröst. Här är din död i din dotters bröst. Och må alla få liv, må alla dö. Välkommen min älskade, min älskade. Måste du gå? Här är den kärlek som allting vilar på. Här är ditt kors, din dödskalleplats. Här är den kärlek som övergår allt. Och må alla Tack så mycket. Jag älskar våra morgnar, våra långa djupa kyssar. Ditt hår som flöt på kudden som ett varmt och soligt nystan. Det finns så många älskande vi är, två bland många andra som i skogarna och städerna har sträckt sig mot varandra. Men nu handlar det om kärlek och om sånt som aldrig dör. Dina ögon är så sorgsna och det här är ett sätt att säga adjö. Jag söker ingen annan när jag går på nya stigar. Följ med mig bort till hörnet, våra steg ska alltid rimma. Jag bär din kärlek inom mig och din kärlek stannar kvar. Men allt ska också ändras, liksom stranden möter hav. Men vi slutar prata kärlek nu om sånt som aldrig dör. Dina ögon är så sorgsna. CKRL 89.1. CKRL a le mandat de faire la cueillette de matières recyclables lors de la fête nationale et on souhaite votre participation. Alors, qu'est-ce que vous faites le 23 juin prochain? Venez passer une soirée agréable tout en contribuant au financement de votre station et aussi à la propreté de votre ville. Faites part de votre intérêt en écrivant à direction acommercial@ckrl.qc.ca ou par téléphone 418-640-2575, poste 201. Toutes les couleurs du monde sont à Mondo Carnaval Culture en Fête à Québec, les 27, 28 et 29 juin, au lieu historique national du Canada, quartier Brébeuf. Venez vivre 3 jours d'activités intenses avec au programme défilé carnavalesque haut en couleur, musique, danse, marché du monde, concerts en plein air et en salle avec la participation exceptionnelle de Québécois de différentes communautés venant des Premières Nations, d'Afrique, des Antilles, d'Asie, d'Amérique latine et d'Europe. Pour plus d'informations, mondocarnaval.com. Plus que jamais, la santé passe par une saine alimentation. Prenez la bonne habitude de vous rendre à la boulangerie Michel Gauvin à Lévis. Vous découvrirez une panoplie d'aliments cuisinés sur place. Pain frais du jour, croissants et des centaines d'autres produits, autant de délices pour votre palais. La qualité de nos produits est prioritaire. Ouvert du mardi au dimanche, sauf les jeudis vendredis jusqu'à 20h. Mentionnez CKRL en boutique et obtenez gratuitement un café. Venez nous visiter à la boulangerie Michel Gauvin, 421 rue Dorimène-Desjardins à Lévis, 418-837-6336. La quincaillerie Saint-Jean-Baptiste est heureuse de s'associer à CKRL en tant que partenaire fidèle. Depuis plus de 100 ans, la plus grande des petites quincailleries s'implique dans sa communauté en offrant des produits adaptés aux besoins des gens qui résident au cœur du centre-ville. Que ce soit pour des produits en plomberie, électricité, la taille de vos clés ou la coupe de bois, ou pour toute la gamme de couleurs pour vos besoins en peinture de marque Sico et Rona, la quincaillerie Saint-Jean-Baptiste sous l'enseigne du marchand Rona est ouverte 7 jours pour vous servir. 298 rue d'Aiguillon, 88 525 5212. Devenez notre ami Facebook. L'émission Les oreilles ailleurs vous est présentée par le Café Babylone. Lieu de rencontre et de dépaysement, le Café Babylone est une invitation permanente à la découverte culinaire. Laissez voyager vos sens. Au 181 Saint-Vallier-Est, cafébabylone.com. Laissez voyager vos sens et aussi vos oreilles. Hein, ça m'a fait... Je sais pas si vous étiez là pendant la première heure de l'émission de cette semaine, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à trouver, à chercher ces pièces, ces succès d'autrefois ou ces chansons d'autrefois, réinterprétées, réarrangées même par des artistes dans d'autres langues que l'anglais ou le français. Je dis pas que je recommencerai pas. Là, je vous présente un artiste allemand qui s'appelle Kasper. Non, ce n'est pas le gentil petit fantôme Kasper, qu'on a connu. Si vous avez mon âge, vous l'avez d'abord connu dans les bandes dessinées. Ensuite, on l'a connu dans le film Kasper, The Friendly Ghost. Non, ce n'est pas donc ce personnage de fiction imaginé par Joe Aurelio, mais... Kasper, c'est Benjamin Griffey qui s'est inspiré du personnage de Kasper. Il est né en Allemagne, mais rapidement, il a déménagé à Augusta, ça c'était en Géorgie, aux États-Unis. Il y avait à peine 2 semaines quand il a déménagé à Augusta, et à 11 ans, il est retourné en Allemagne avec sa mère. Probablement que c'est... on ne le dit pas dans le texte que j'ai lu, mais c'est possiblement une séparation. Et là, il a réappris l'allemand et il est devenu éventuellement un musicien dans un groupe de hardcore. Puis il a écouté le hip-hop. Il a sorti son deuxième album, Xoxo, en 2011. Et cet album a été, dès sa première semaine, le numéro 1 des ventes en Allemagne. Il a reçu en 2012 un disque d'or pour cet album. En 2013, il a sorti Interland, qui n'est pas orienté purement vers le rap. C'est joli qu'il est dominé par des guitares rock qui offrent un beat sur lequel Kasper base son flow. En fait, c'est beaucoup, ça ressemble beaucoup à du rock alternatif. On va écouter la chanson Interland, chanson éponyme de l'album Interland. Et ensuite, on va écouter Dak der Demo Ging Bergab. On écoute donc le chanteur allemand Kasper. Spüren, nehme nie zu viel, bisschen fürs Bauchgefühl. Die falschen Drogen zur richtigen Zeit werfen Schatten, wo das Licht nie scheint, für kurze Zeit. Und über Nebenstraßenabend immer Wasser bis zum Hals, lieber Regenparker tragen. Sprachlos tanzen statt reden, so müde von der Stadt, die nie schläft, bleibt in Bewegung. Hörst du den Chor, schief und auch schön, Höhen leicht daneben, wir sind Tiefen gewöhnt. Mit großen Augen zwischen Bahnschienen und Schrebergärten, Arm in Arm singend überleben, wie wir nie leben werden. So wie das Ding hier nun mal läuft, klein Ganoven beichte mit 2 Fingern überkreuzt. Wir sind Legenden, wir selbst, gemeinsam vom Ende der Welt. Willkommen zu Haus, wo jeder Tag aus Warten besteht und die Zeit scheinbar nie vergeht. Verdammt, Hauptsache erlaubt, für alles zu haben, zu kaum was zu gebrauchen. In diesen Hinterwelten getrieben von Kindergeld, wenn Taten mehr sagen als Worte, sind wir Stille selbst. Man gibt uns gut zu verstehen, die leeren Gläser der Theke sind beste Lupen aufs Leben. Unter Maus der Straßenlaternen um 11, gemeinsam am Ende der Welt, willkommen zu Hause. Wo jeder Tag aus Warten besteht und die Zeit scheinbar nie vergeht. Scheinbar nie vergeht, vergeht, vergeht. Geliebtes Hinterland, willkommen im Hinterland. In deinem Mixtape-Herz. C'était le chanteur allemand Casper, Benjamin Griffith de son véritable nom, dans deux pièces tirées de l'album Interland, un très bon album qui lui est paru en 2013. Là, on va écouter un autre album paru aussi en 2013, Milligram 3. Milligram Music, c'est une initiative d'Alexander Milik-Mili, initiative qui date de 2004, et en fait son idée c'était de produire des albums et de vendre ces albums avec des magazines. Imaginez, on est en 2004. 2014, ça se fait toujours. On va écouter deux pièces tirées de cet album, Angeo et Ljubo Preljubo. On écoute Milligram. Ako tražiš sreću tu, zaboravi na nju, ne leti. Nemaš 16 godina, a nemam ih ni ja, ne vredi. Kad jutro suze ti prolije, sve će to šminka da pokrije. Kako volimo se ja i ti, tako se tajno moja ne voli. I zato idi nađi nekog ko zna, i ne budeš ki su ovakvi ko ja. Čutu, ne traži je na dnu, poleti. Jer ptice kao ja, ja to nemaju, ne vredi. Kad jutro suze ti prolije, sve će to šminka da pokrije. Nesrećan je ovaj anđeo, što je sleteo. Kaže, ovde zora nosi mrak, tu moraš biti slep da progledaš. Jer kako volimo se ja i ti, tako se tajno moja ne voli. I zato idi nađi nekog ko zna, i ne budeš ki su ovakvi ko ja. Ako se tajno moja ne voli, i zato idi nađi nekog ko zna, i ne budeš ki su ovakvi ko сам фанатик. Знала си да бих за тебе окренуо свет. И како треба да се осећам после свега, док у очи гледаш ме, а видиш њега. Моја љубо, прељубо, хај види, знам те предуго, хај види, знам, кроз мене прошла ти за њим. Моја љубо, прељубо, хај види, нећеш далеко, мали је свет, стиће ће те моје сузе као куршуми. I ništa da nemaš na svetu, ovaj bi smrtnik za tebe sve rodio. I kako treba da se osjećam posle svega, dok u oči gledaš me, a vidiš njega. Moja ljubo, preljubo, haj vidi, nećeš daleko, mali je svet, stići će te moje suze kao kuršumi. Moje srce meko je kao pamuk, opraštam ti, idi i ponesi i moj jastuk. Da se duša stegne i da na njega nijedna nikad više ne legne. Moja ljubo, preljubo, haj vidi, znam te predugo, haj vidi, znam, kroz mene prošla ti za njim. Moja ljubo, preljubo, haj vidi, nećeš daleko, mali je svet, stići će te moje suze kao kuršumi. C'était Milligram. C'est, je vous ai dit, c'est un projet, c'est d'abord un projet, une maison de production serbe de Belgrade plus particulièrement, mais c'est aussi un groupe qui s'est mis à faire des concerts. Ils sont trois, dont celui qui a fondé la maison de production Milligram. Attendez un petit peu, Alexandra Milik-Mili. Bon, ils planifient des concerts un peu partout dans les Balkans, mais souhaitons qu'on les verra un jour à Québec, sait-on jamais. Très entraînant cette musique, n'est-ce pas? On va poursuivre avec un groupe brésilien. On retourne au Brésil. Un autre petit clin d'œil au Brésil. Je sais pas pourquoi je fais des petits clins d'œil comme ça au Brésil. Je sais pas vous, peut-être que vous êtes un fan de soccer et que vous suivez d'un coup d'œil la Coupe du Monde et de l'autre, vous écoutez CKRL en ce moment. Enfin, donc, petit coup d'œil au Brésil avec un groupe qui s'appelle Corumin. On va écouter deux pièces de ce groupe. D'abord, Afoxoc et Tremé Terra. On les écoute. Andam a falar na liberdade, isso cheira bem, cheira a pimenta. Palavra que me arde dentro da boca, língua que faísca como um machado. Machado de dois gumes que é igual pros dois lados. Bate o machado que é igual pros dois lados. Machado de dois gumes que é igual pros dois lados. Bate o machado que é igual pros dois lados. Afoxoque, Une petite erreur, j'ai dit que Kurume était un groupe, c'est pas un groupe, c'est un individu. Luciano Nakata Albuquerque, il est né en 1976 à Sao Paulo. Il a un style très particulier, comme vous avez pu le constater, mélangeant à la fois la samba, le funk, le jazz, la bossa nova et le hip-hop. Il chante principalement en portugais. On va écouter donc la dernière pièce pour cette troisième demi-heure, Treme Terra. Si vous aimez la musique brésilienne, eh bien, il y a l'émission tous les dimanches à compter de Do Brasil, à compter de, attendez un petit peu, à compter de 11h, je crois bien. Je vais vérifier, je vous donnerai l'heure exacte tantôt. On écoute Kurume dans la pièce Treme Terra. Chama a força do ventre que gera. Treme, terra, arrebenta a primavera. Treme, terra, enquanto a manhã nos atravessa. Treme, terra, no silêncio a semente desperta. Yeah. chegando de baixo. Treme terra, treme. Corre terra, na boca terra, dos tambores antigos. Treme terra, treme. Brota terra, do chão que acaba nos engolindo. Treme terra, treme. Corre terra, na boca dos tambores antigos. Treme terra, treme. Brota terra, do chão que um dia será nosso abrigo. Treme terra, treme terra. Nous sommes le Québec, ce grand territoire de rivières et de terres fertiles, ces beaux villages, ces villes dynamiques. Du talent du créateur à l'ardeur de l'agriculteur, nous sommes le blanc de l'hiver, les couleurs de l'automne, la richesse d'une langue française. Nous sommes des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, nés ici, nés ailleurs. Nous sommes ensemble, nous sommes fiers d'être Québécois et Québécoises, d'être le Québec. Ici Agnès Maltais, députée de Taschereau, qui vous dit, sur un air de Jérôme Casabon, bonne fête nationale! À la boulangerie Michel Gauvin, à Lévis, vous ne serez pas les premiers à découvrir la qualité de nos croissants. Pierre Champagne, journaliste au Soleil, mentionnait lors d'une chronique que c'était les meilleurs au Québec. Croustade aux pommes, poire au chocolat, chocolatine, tout fait de beurre à 100%. Fougasse de chèvre et asperges, bruschetta et épinards et variété de pain frais santé du jour. Tous ces aliments sont distribués dans plusieurs commerces de la Rive-Sud. Venez nous voir, on vous offre un bon café et pour dîner, tout est prêt. Michel et son équipe vous attendent au 421 Dorimène des Jardins, 418-837-6336. Toutes les couleurs du monde sont à Mondo Carnaval Culture en Fête à Québec, les 27, 28 et 29 juin, au lieu historique national du Canada, quartier Brébeuf. Venez vivre trois jours d'activités intenses avec au programme défilé carnavalesque haut en couleur, musique, danse, marché du monde, concerts en plein air et en salle avec la participation exceptionnelle de Québécois de différentes communautés venant des Premières Nations, d'Afrique, des Antilles, d'Asie, d'Amérique latine et d'Europe. Pour plus d'informations, mondocarnaval.com. Strictly reggae music. You cannot refuse it. Strictly reggae music. Racine musicale, tous les dimanches 17h30 avec DJ Bigou et Selecta Jalabaman. Seulement 89.1. Bien entendu, bien entendu. Strictly reggae music we a play. Strictly reggae music we a play. Strictly roots and reggae. L'émission Les Oreilles Ailleurs vous est présentée par le Café Babylone. Lieu de rencontre et de dépaysement, le Café Babylone est une invitation permanente à la découverte culinaire. Laissez voyager vos sens. Au 181 Saint-Vallier-Est, cafébabylone.com. Thank you. springer op de weide, op vloek op los van een meiden toren. Vluchtig, vluchtig, antana, ontwiegen, vliegen over het land door. Zweven, streven, door de heide door. Doran du groupe de musique belge originaire de la province d'Anvers, Laïs. Laïs, c'est aussi le nom d'un poème d'amour courtois du Moyen Âge. Ce sont ces chanteuses interprètes surtout en vieux flamand, mais aussi en français, en suédois, en latin, des chants du répertoire traditionnel de divers pays d'Europe, mais aussi de la chanson contemporaine, entre autres Jacques Brel. Mais il y a, à travers tout ça, vous l'avez senti, des influences de mélangeant des influences de folk, de pop, de rock. Elle privilégie beaucoup le chant polyphonique a cappella. Il y a des pièces quand même superbes de ce groupe-là. On va écouter une autre pièce de Laïs. On va écouter la pièce Leda and the Svan, ou Agamemnon. Ça, c'est tiré de l'album de Lady's Second Song. Ensuite, on va enchaîner tout de suite avec un chanteur polonais du nom de Kroll. Je vous en parlerai après l'avoir écouté. Mais d'abord, écoutons Laïs. Thank you. of het wankelend meisje. Dijen worden zwart gestreeld door vliezen, bek om nek. Het schoven, hij houdt haar weer los, haar tegen het hart. Hoe kunnen die verschrikte vingers vaak de veren pracht slaan van haar dij? Die zwicht en hoe zou vlees onder dit wit gevlaagde vreemde hartslag voelen waar het licht een lende sedering wekt daar. Als vruchten wal in puintoren en ting voor ook in Agamemnon door. In zijn slag, nog klappen wieken boven het wankelend meisje. Dijen worden zwart gestreeld door vliezen, bek om nek. Geschoven, hij houdt haar weer los, haar tegen het hart. Hoe kunnen die verschrikte vingers vaak de vele pracht slaan van haar dij? Die zwicht en hoe zou vlees onder dit wit gevlaagde vreemde hartslag voelen waar het licht een lende sedering wekt daar. Als vruchten wel in puintoren en tim voor ook in Agamemnon. Het meisje dijen worden zwart gestreeld door vliezen, bek om nek. Geschoven, hij houdt haar weer los, haar tegen het hart. Hoe kunnen die verschrikte vingers vaak de veren pracht staan van haar dij? Die zwicht en hoe zou vlees onder dit wit gevlaagde vreemde hartslag voelen waar het licht een lende sedering wekt daar. Als vruchten wal in puintoren en tim voor ook in Agamemnon dood. Zo gepakt, zo vermand, door het brute bloed en lucht verkreeg zij met zijn kracht zijn kennis, ook eer zij de achterloze bij ontzag. Yes. paskudnie i jest to zaraźliwe. A Wiecie, Teres du chanteur polonais Kroll. Je dis le groupe parce qu'il a longtemps été... il a d'abord été dans un groupe électro-alternatif qui s'appelle UL KR. Et le groupe a pris fin. Malheureusement pour ceux qui aimaient beaucoup suivre ce groupe là-bas en Pologne, mais aussi ailleurs dans le monde. Et là, il vient à peine de sortir un album qui s'appelle Nielo. C'est magnifique cet album, je le dis. Il m'arrive parfois d'utiliser des superlatifs, mais dans le cas de Kroll, je peux l'utiliser sans difficulté. On va écouter une autre pièce tirée de cet album Nielo. On va écouter la pièce Attendez un petit peu que je retrouve mes notes. On va être ZMY. Enfin, c'est C-M-Y. Pas toujours évident, pas toujours facile de prononcer le polonais. C'est une langue un peu difficile à prononcer, je l'avoue bien humblement. D'ailleurs, si vous voulez retrouver le titre exact des pièces que je vous présente tout au long de l'émission, vous savez qu'il y a le blog desoreillesailleurs.net sur lequel vous pouvez vous rendre et tout est là, tout y est, de semaine en semaine. Donc, d'ici la fin de la journée, peut-être d'ici deux, trois heures après l'émission, vous aurez l'ensemble des pièces qui ont joué aujourd'hui avec des liens vers un certain nombre de sites où il est question des groupes que je vous ai présentés. On écoute Obraz. ZMY de Kroll. Ensuite, on va écouter Obraz. Ça, j'étais bien contente. C'est une pièce qui vient de Keslovski, ce duo de la République tchèque que je vous ai déjà présenté, si vous écoutez régulièrement Les Oreilles Ailleurs. Et là, ils viennent de sortir une pièce, un single, comme on dit, parler en bon québécois, qui s'appelle Obraz. On va écouter ça après ZMY. Trafiliśmy tu nie przypadkiem, jak ćmy zwabiło nas światło, popijając gorzkie zioła miodem, przeczuwając, że już jutro może nie być tak pięknie i łatwo. W noc ognia i popiołu pluć dymem i żarem. Nie opowiadaj o nas po kolacji, bo przyjdziemy we śnie ze zgagą i koszmarem. Rozgniewanego morza, sykiem ciekłego ognia, ciężko wy ten kotek w rój. Phrase du duo tchèque Kieslowski, un duo dont j'aime beaucoup suivre la carrière, et ça vient tout juste de sortir au Phrase. C'est une version remixée par Martin Dvirdis Miletchovska. C'est intéressant parce que Kieslowski fait souvent, accepte souvent qu'il y ait des remixes de fait de leur chanson, de leur album, de leur chanson, de quelle sorte. Faut croire, c'est devenu une c'est devenu une de leurs caractéristiques, mais il y a plein de chanteurs, plein de groupes comme ça qui lancent à la fois des remixes et des chansons originales. Là, ben écoutez, Parisine Kevat, c'est un groupe finnois, ça veut dire printemps de Paris en finnois. C'est un groupe d'Helsinki, c'est un dans le style indie pop, indie rock et électronique. Il a été fondé en 2007 par Arto Tuulena. On va écouter la pièce L'AD. C'est tiré de l'album Yoasin on Tie Ulos. Astut lavalle ja esiin lippu aukenee, kun sadat saapuneet ne yhtäkkiä vaikenee. Aistit jännityksen huoneessa nousevan, silmät kiinni. Käyt valoihin, tulit kertomaan, jotain uutta kaikki odottaa. Käyt valoihin, olet näkijä. Käyt valoihin. Vatsaat kaatuu, hajoaa palat, menee sekaisin. Vatsat kaatuu, hajoaa. C'était l'AD du groupe de Finlande, Parisin Kevät. On va se laisser en écoutant tranquillement, pas vite, un groupe italien qui s'appelle Siberia. Je vous fais écouter, on va écouter à peine le début de leur chanson qui s'appelle El Mundo desde otro posición, parce que ils m'ont contacté cette semaine sur le fil Twitter de l'émission Orailleur. C'est @orailleur. J'en profite pour vous dire d'ailleurs qu'on a un fil Twitter, une page Facebook et un blog sur lequel vous allez retrouver l'ensemble des pièces que vous avez entendues cette semaine. C'est Michel Monette au micro. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Racine musicale suit tout de suite après la pause publicitaire. À la semaine prochaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. L'émission Les oreilles ailleurs vous a été présentée par le Café Babylone. Lieu de rencontre et de dépaysement, le Café Babylone est une invitation permanente à la découverte culinaire. Laissez voyager vos sens. Au 181 Saint-Vallier-Est, cafébabylone.com. Cet été, au Musée de la Civilisation, découvrez l'exposition Image par Image. Plongez dans les univers de création captivants, déjantés et innovateurs des cinéastes d'animation de l'ONF qui ont repoussé les limites de leur art. Aussi, prenez part à la célébration et stimulez votre créativité dans le laboratoire d'animation. L'exposition Image par Image sur le cinéma d'animation de l'ONF au Musée de la Civilisation. Info au mcq.org. Le Festival en chanson vous invite à prendre la route jusqu'à Petite-Vallée pour sa 32e édition du 27 juin au 5 juillet. Le Festival en chanson, c'est 25 spectacles, une centaine d'artistes et une ambiance unique. Voyez Robert Charlebois, Valérie Carpentier, Marie-Jo Thériault, Marco Cagliari, les Hey Babies, Patrice Michaud, les chansonneurs de la sélection officielle et plusieurs autres. Pour info, 393-2222 ou lefestivalenchanson.com. Le Festival en chanson de Petite-Vallée, une présentation d'Hydro-Québec en collaboration avec Desjardins. Le soleil, il est toujours là pour te garder vivant, te garder éveillé. Puis ça, le soleil, pour moi, c'est l'intensité. Être face au soleil aussi, il y a une fatalité, là. C'est comme face à la mort. C'est la lumière au bout du tunnel. C'est le train qui s'en vient dans ta face. C'est le destin. Quand tout a été dur, j'ai senti coupant où j'en suis. Se perdre et se trouver dans la nuit avec Alexandre Desilets, mardi 1er juillet à 9h. Et en prime, Daniel Gélina et Louis Bellavance me parleront du festival d'été. That equal rights and justice stand for I and I all. Let it know that all who love it, Satan, kingdom must fall. As they know we are to a ball, until you don't stall. CKRL 89.1, Québec. Thinking that you run from a problem, it never solves. I say you get it.